Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire en confinement, l'affaire Sally Pelletier aux Jeux olympiques de Salt Lake City. Le 11 février 2002, quand Richard Garneau suggère à Alain Goldberg d'attendre la note des juges avant de trop s'emballer, il fait pour ainsi dire preuve de clairvoyance. Et quand les notes apparaissent au tableau d'affichage quelques secondes plus tard et qu'on découvre que les Russes sont devant les Canadiens et que le couple Sally Pelletier devra se contenter de la médaille d'argent en patinage artistique, c'est la consternation. Ce jour-là débute l'un des plus importants scandales de l'histoire des Jeux olympiques, un scandale qui va d'ailleurs conduire à d'importants changements dans cette discipline du patinage artistique. Pour revivre ensemble ce moment assez unique, je reçois mon collègue Robert Froisy, journaliste sportif qui était aux Jeux de Salt Lake City. Robert Froisy, bonjour. Bonjour. Merci Robert d'accepter de participer à cette émission un peu spéciale. On a commencé donc la diffusion d'émissions d'Aujourd'hui l'Histoire en confinement avec des collègues comme vous qui pouvaient venir à Radio-Canada ou qui peuvent depuis la maison participer à l'émission, qui viennent nous parler d'histoires qu'ils connaissent bien. Vous étiez à Salt Lake City en 2002. Avant de nous raconter un peu cette saga Sally Pelletier, peut-être une image, un mot. Qu'est-ce qui vous revient tout de suite en tête quand vous repensez à cette affaire-là? C'était épouvantable, ouais. À tous les niveaux. C'était, imaginez, une ville en état de siège. On est au lendemain, évidemment, du 11 septembre. Et quand je dis en état de siège, là, j'exagère même pas. Il y avait plus de policiers, de militaires d'athlètes ou de journalistes. C'est vous dire, c'était pas drôle. C'était franchement pas drôle, sans oublier que 24 heures sur 24, les hélicoptères qui étaient au-dessus de nos têtes. Et d'ailleurs, même une semaine après mon retour des Jeux, j'avais encore le son. Ah ouais. C'est pour vous dire comment on était fouillés, scannés. C'était des checkpoints carrément. On aurait dû... Enfin, c'était une ville en état de guerre. Ça, c'était l'atmosphère de ces premiers Jeux après septembre, le 11 septembre 2001. Et puis, dans déjà cet état d'esprit assez particulier, cette affaire incroyable, l'affaire Sally Pelletier qui va... Quelle place ça occupe au palmarès, je dirais, cette affaire-là, Robert, au palmarès des scandales les plus importants dans le monde olympique? Je dirais... sans doute, après Ben Johnson, qui touchait des scandales canadiens, ouais. Après Ben Johnson, qui a fait le tour du monde, on ne connaissait pas d'histoire qui allait faire le tour du monde comme celle-là concernant les athlètes. Sally Pelletier, là, c'était enfin, je dirais, la mise à jour de toute une organisation, et on va y revenir, de toute une organisation souterraine, en fait, de collusion absolument épouvantable. Ouais. Et ça va avoir un impact fondamental pour la suite aussi. On va changer les règlements en patinage artistique après cette affaire-là. Parlons d'abord des principaux protagonistes dans cette histoire. Il y a bien sûr, d'un côté, du côté canadien, Sally Pelletier eux-mêmes. Présentez-nous-les. Qui sont-ils? Où en sont-ils dans leur carrière au moment où arrivent les Jeux de Salt Lake City en 2002, Robert? C'est le couple à battre. Ouais. C'est vraiment le couple à battre. Ils ont tout gagné. Ils sont champions du monde. Et quand on est champion du monde, en général, et c'est très souvent, hein, vous faites le calcul, quand on est champion du monde, l'année suivante, ce sont les Jeux olympiques. Et en règle générale, les champions du monde, à moins de labourer carrément la glace, eh bien, on devrait normalement aller chercher l'or. C'est un couple magnifique. Tous leurs réussis sont beaux. Ils sont amoureux, ils sont resplendissants et en plus, imaginez, ils vont patiner sur Love Story. Ouais. Déjà, en fait, ils avaient conquis déjà le public américain, ce qui est pas peu dire, et ils avaient conquis, en fait, ils avaient tous les ingrédients, en fait, réunis pour livrer quelque chose d'extraordinaire. Alors, les principaux rivaux de Sally Pelletier... Ils sont là, un détail quand même, mais ce couple de rêve que vous décrivez, ces étoiles montantes, ils sont pas ils ne dansent pas depuis si longtemps ensemble. C'est quand même assez exceptionnel. Ça fait quoi, 3 ans à peu près? Absolument, ça fait juste 3 ans et ils sont déjà au Gotha. Ouais. C'est vous dire ce qui est extraordinaire. C'est pas du jamais vu, mais tout de même, c'est quand même assez extraordinaire. Ascension rapide. D'arriver à une beauté, à un synchronisme, à une volupté, je dirais même sur la glace. C'est magnifique de les voir patiner. Ouais. Le couple à battre, disiez-vous. Et puis c'est aussi peut-être... Donc, ce couple beau, très médiatique, et cet espoir probablement pour beaucoup de monde, les Américains qui les ont adoptés entre autres, de déloger une espèce de vieille dynastie. Clairement. Un peu poussiéreuse, parce que ce sont les Russes qui sont devant eux. Ah ben bien sûr, un couple magnifique. Elena Berezhnaïa et Anton Sikulavidze, c'est, vous l'avez dit, c'est une dynastie. Ils vont éclore en 1996. C'est une bizarre histoire, finalement, parce qu'ils sont champions d'Europe, ils deviennent champions du monde, évidemment, jusqu'en 2001, où là, ils vont commencer à voir arriver le couple canadien qui va leur ravir le titre. Et on se demande, est-ce qu'ils vont mettre fin à cette hégémonie qui dure depuis 40 ans, 40 ans que les Russes gagnent dans cette discipline. Et alors, pour la petite histoire, il faut dire que c'est en 96, parce que Elena patine avec Oleg Sliakov avant de patiner avec Sikulavidze. Sliakov, c'était un Letton. Elle patinait donc avec la Lettonie à l'époque. Et il va y avoir un drame en 96. Un drame. Le patin d'Oleg va carrément rentrer dans la tête d'Elena. On se dit c'est fini le patinage pour elle. Bah, pas du tout. Elle aura des opérations, des thérapies. Et c'est ça qui fait la belle histoire aussi de ce couple. C'est qu'après des mois, elle va patiner de nouveau et former un nouveau couple avec Sikulavidze. Et c'est le seul couple qui peut battre Salih Pettier. C'est donc 40 ans de suprématie qui est en jeu, en fait, quelque part. Avec, est-ce que c'est du cliché de dire qu'il y a le nouveau patinage du côté des Canadiens et la tradition du côté des Russes? Sans doute. Parce que même si c'est magnifique, même si c'est parfait, ça reste poussiéreux. Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des analystes comme Alain Goldberg, par exemple, qui m'a appris toutes ces choses-là dans le patinage. Mais c'est vrai qu'on... On rentre dans une autre dimension, beaucoup plus moderne. Oui. Donc, ça, c'est la toile de fond. Les Jeux arrivent. Il y a ce duel. Et ça fait partie là, de l'enjeu de cette discipline. Le patinage artistique, cette année-là, il est sous le regard de tout le monde parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose et que c'est deux générations qui s'affrontent. Comment ça se déroule, la compétition? Avant d'arriver à la fameuse finale, comment ça se déroule, cette compétition? Alors, on est le 10 février, on est à la patinoire du Delta Center, c'est plein à craquer, 17 500 personnes. Tout le monde retient son souffle pour assister à ce duel. Salih Pettier vont-ils réussir à faire peur aux Russes? Cette fois, ils sont les favoris de la foule également. Salih vont commencer leur programme court. Écoutez, c'était un silence de cimetière. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque saut, à chaque mouvement réussi, là, c'est du délire. Tout le monde, effectivement, devient incroyable. Mais quand je vous dis c'est un silence de cimetière, c'est carrément une communion d'apnée tellement on retient son souffle, sa respiration. Et même nous, d'ailleurs, journalistes. Alors, à un moment donné, il y a une chute. Et là, c'est les « oh ». Ah oui. Et puis, cette chute, en fait, elle n'est pas catastrophique parce que ce n'est pas un élément technique jugé. Ouais. Et là, on peut dire « ouf » de soulagement. Donc, ils ne feront pas tout à fait un sans-faute. Mais par contre, le couple russe, lui, fera un sans-faute. Ouais. Et c'est donc victoire russe au premier round. Donc, programme court gagné par les Russes, mais courte avance, ce qui fait qu'on arrive au moment décisif du programme long, le 11 février 2002. Et là, tout est permis. Revivons ça avec vous, Robert Frozy. Ce sont les Russes qui patinent d'abord. On est au paroxysme du suspense. Même tous les films d'Hitchcock réunis ne pouvaient pas donner un suspense comme celui-là. Le couple russe s'en va vers un sans faute. Et là, on se dit, c'est incroyable. Et là, surgit un autre drame, le couple russe qui va faire une erreur sur un double axel, double boucle piqué. Et là, on se dit, waouh, une petite porte vient de s'entrouvrir. Ouais. Ils sont finalement vulnérables. Ils ne sont pas parfaits. Donc, on retrouve Salih Pettier. C'est eux qui dansent, qui patinent après les Russes, avec espoir, évidemment, de pouvoir aller chercher l'or, puisqu'il y a eu cette faute des Russes, mais une pression qui doit être absolument épouvantable. Abominable même. Ils arrivent sur la patinoire quelque part aussi avec une espèce de rage aux dents. Ont-ils senti la bête blessée? Peut-être. Je ne sais pas s'ils regardent avant la compétition de leurs adversaires, mais à chaque saut, je peux vous le dire, c'était incroyable. On avait l'impression d'être sous l'eau et de retenir à chaque fois notre souffle. On se dit, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Et là, ça repartait. Et tous les sauts, tous les mouvements atteignaient la perfection. On assistait à une nouvelle version, en fait, du film Love Story. C'était carrément ça. Parce que c'est ça. Ce fameux programme, qui est quand même un sacré programme aussi, qui leur avait permis de remporter l'année précédente les championnats du monde. C'est ça, absolument. Et puis, écoutez, Love Story, ils avaient conquis, mais c'était, on avait l'impression de revivre le film, cette histoire d'amour, et on la sentait sur la glace. Et alors, à un moment donné, évidemment, ça se termine, C'est un sans faute, une prestation incroyable, c'est du délire, les fleurs, les toutous qui sont lancés sur la glace, et par centaines en plus. Ouais. Et on voit cette scène absolument magnifique, David Pelletier qui embrasse la glace comme pour la remercier en fait, de ne pas être intervenu contre le couple. tous les commentaires, et ça je peux vous le dire parce que nous on courait comme des fous, et j'entendais les gens commenter, que ça soit les Américains d'NBC, que ça soit les Français avec Nelson Montfort, qui s'accordaient à dire l'or est canadien. Donc Alain Goldberg n'est pas tout seul. Quand Richard Garneau, absolument pas. C'est dans la poche. Les Canadiens ont l'or, sauf qu'arrivent les notes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Jean-François Doré au microphone de ces émissions spéciales en provenance de Salt Lake City. On va aller tout de suite rejoindre Marie Malcholos au Delta Center, alors que Jamie Salley et David Pelletier attendent leurs notes. Marie, ils ont connu une prestation absolument magnifique. Jean-François, tout le monde est encore sous le charme. Alors, ils sont premiers! Ils sont premiers pour l'aspect technique, c'est 5-8, 5-9, 5-8, 5-8, 5-8, 5-9, 5-8, 5-9, 5-8. On attend tout de même, Jean-François, la notation pour la présentation artistique. Ici, mon Dieu, l'excitation est à son comble. Pour la présentation Et artistique. Et non, Jean-François, il rate la médaille d'or par très, très peu. Comment se fait-il, Marie? Ils avaient une prestation parfaite, nettement meilleure que celle des Jeux des précédents, oui, qui étaient les Russes Berezhnaïa et Chikarulidze. D'ailleurs, vous entendez la foule qui manifeste. De toute évidence, personne ici n'est d'accord avec le jugement. M. Goldberg, 12 heures plus tard, est-ce que vous pensez toujours que les notes d'hier sont une affaire de politique? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand on fait ce métier-là, je suis dans le patinage depuis plus de 30 ans, comme entraîneur et puis ensuite comme analyste. Quand on fait ce métier-là depuis si longtemps et qu'on voit ce qui vient de se passer, on ne peut pas rester indifférent et rester le ton comme d'habitude avec une telle performance. C'est inique ce qui s'est passé, ça n'a pas de sens. Mais vous n'attribuez pas cette iniquité à l'incompétence des juges, mais à leur parti pris, si je vous entends bien. C'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire tout simplement qu'ils savent, ils peuvent prendre des décisions et ils prennent la décision qui va à l'encontre de ce qu'ils savent. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est sous-jacent à tout ça. C'est-à-dire qu'en dessous de tout ça, il y a une politique d'échange. Si on regarde la compétition, il n'y a aucune raison que Salley et Pelletier soient les seconds. Ça n'a aucune espèce de sens quand on connaît bien ce sport. J'ai croisé une jeune femme de TF1 que je connais très très bien et qui était une patineuse émérite et qui dirige le service des sports de TF1 dans le couloir du IBC au centre de télévision. Mmh. Et là, elle m'a dit « Vous êtes fait voler ». Alors, ce n'est pas simplement mon impression personnelle. Et ce que ça protège, en fait, ce qui s'est passé, c'est le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest avec un juge français qui a décidé d'aller vers l'Est. Donc, c'est ça qui s'est produit. Mais, en réalité, il aurait dû y avoir 7 juges qui classent Salley et Pelletier premier sur ce qu'on a vu, sans aucun doute. Mais par une lutte de nationalisme pour obtenir une médaille, les patineurs en font les frais, et surtout le sport. Parce que, bon, Salley et Pelletier ne feront certainement pas des déclarations à l'encontre des fédérations ou de qui que ce soit. C'est à notre association canadienne à faire des démarches pour dire « c'est pas juste, changeons les choses ». Mais si notre fédération a elle-même participé parfois à des choses, ben il est évident qu'elle ne pourra pas le dénoncer. Alain Goldberg, au micro de Jean Dussault, l'émission La Tribune du Québec, le 12 février 2002. Et juste avant, vous entendiez Jean-François Doré et Marie Malcholos à l'émission Plein feu sur Salt Lake City, le 11 février 2002, jour de cette fameuse finale en patinage artistique. Que se passe-t-il? Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, Robert Foisy. On va revenir sur ce que Alain Goldberg disait, un petit pas à la fois, mais rappelez-nous, au fond, ce qui se passe, comment se répartissent les votes, qu'est-ce qui explique que le 11 février 2002, les Russes terminent devant les Canadiens? Ben, on va s'apercevoir rapidement qu'il y a une manipulation. Alain l'a très bien décrit, en fait, quand il parle de bloc. On avait d'un côté un bloc qui soutenait un bloc qui, avec la République populaire de Chine, la Pologne, l'Ukraine, qui soutenait en fait les Russes, ouais. Et de l'autre côté, des Canadiens. Les Canadiens avaient le soutien des Américains, traditionnel soutien, l'Allemagne, ouais. Et le Japon. Ouais. Et là, on se dit, bon, ça fait 3 contre 3, à part qu'il y a 7 juges. Alors, l'équation, elle s'est vite résolue, finalement. Et tout a commencé à pointer vers la juge française Marie-Reine Le Gougne. Il ne pouvait y avoir qu'elle qui pouvait faire pencher la balance. Ouais. Puisqu'on savait, de toute manière, parce que c'était une tradition non écrite, que eh bien, ces blocs-là existent dans le patinage artistique. En vote politique, ah, ça n'a rien à voir avec le sport. Ce sont des tractations qui se font avant même, en fait, que les patineurs se présentent devant les juges. Et comme je vous le disais, à moins d'une erreur monumentale, les classements sont déjà faits avant même que la compétition commence. Donc, il y a un automatisme, tout le monde le sait, ça va être 3-3. Et en fait, selon la logique des blocs, ça aurait dû être 4-3 pour les Canadiens Sally Pelletier. Mais là, la France bascule. Marie-Hélène Le Gougne va voter pour... Marie-Hélène, oui, absolument. Marie-Hélène Le Gougne pour les Russes. Un mot sur cette bonne femme-là. On viendra dans un instant sur sa réelle responsabilité. Elle n'est pas toute seule là-dedans. Mais qui est-elle, Marie-Hélène Le Gougne? En fait... elle a eu une petite carrière de patineuse artistique. Je pense même qu'elle est arrivée troisième au championnat de France dans son pays. Elle va devenir juge internationale en 1994. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Marie-Reine Le Gougne... Et je vais vous raconter une anecdote que m'a racontée Alain Goldberg. Et vous allez voir qu'elle va prendre tout son sens. Entre les deux programmes, Alain Goldberg rencontre Marie-Reine Le Gougne. Ils se connaissent depuis des années. Et vous savez ce que Marie-Reine va lui dire, parce qu'elle avait l'air... il l'avait trouvée inquiète, nerveuse même. Et elle a regardé Alain et lui a dit « Tu sais, Alain, les compétitions ne se gagnent pas seulement sur la glace. Hmm. » Et c'est aujourd'hui, enfin finalement aujourd'hui, on comprend tout le sens en fait, le lourd sens en fait de cette phrase. Marie-Hélène Le Gougne, écoutez, on va lui courir après. Ouais. Dès qu'on a su que finalement... quand on avait vite fait le calcul, qu'on avait été discuté avec les meilleurs spécialistes, que ça soit Nelson Montfort ou que ça soit Alain Goldberg, notre Canadien, eh bien, on savait que ça ne pouvait être que la juge française qui avait fait la décision. Et là, écoutez, va s'en suivre une meute de journalistes. On va être à ses trousses pendant des jours. Et ça devient le Skategate. C'est comme ça que les Américains vont en parler. Mais effectivement, la réaction du public qu'on entendait, tout le monde est outré. Les commentateurs sont outrés. La presse s'en mêle. Très vite, on se met sur le cas de la juge française. Dans les faits, et elle va payer cher. Elle sera suspendue. Elle va écrire un livre, d'ailleurs, l'année suivante sur cette affaire-là. Quelle responsabilité elle a vraiment dans cette affaire-là, Robert Froisy? En tout cas, ce n'est pas une lampiste. Ce n'est pas quelqu'un qui, hors de tout doute, aurait été une victime là-dedans. On sait tous, et elle aussi bien que les autres, puisqu'elle a été juge internationale pendant longtemps, elle savait très bien comment tout cela fonctionnait. Ce qu'on a su par la suite, c'est que le président de la Fédération française, David Gaillaguet, eh bien, avait mis des pressions sur la juge. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'autres compétitions, et notamment avec le couple de danse Assinina-Pezra, le couple français. Et il y avait eu des tractations en disant les Russes vont voter pour notre couple. Ouais. Un marchandage. C'était un marchandage. Vous votez pour nous, on vote pour vous. Complètement, dans une autre discipline. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au fond, la pression... ce ne sont pas les Russes qui directement vont faire pression sur elle, c'est le président de sa fédération nationale qui va lui dire « Écoute, on a besoin de... tu votes avec les Russes parce qu'on a besoin de leur vote plus tard. » Complètement. Et c'est des tractations qu'on connaissait. C'est pas du jour au lendemain. Ouais. Ça arrivait très, très souvent. C'était presque institutionnel comme manière de faire. Et donc, lui va relativement bien s'en sortir dans un premier temps, d'ailleurs. Parce que c'est Marie-Reine Le Gougne qui va être suspendue. Ouais. Elle va même être suspendue au niveau international. Elle va être suspendue momentanément, suspendue ensuite par sa fédération et suspendue par la Fédération internationale pendant 3 ans. David Gaillaguet aussi. Et le cynisme de la chose... c'est que David Gaillaguet, après sa suspension, va revenir et va redevenir président de la Fédération française, ce qui est quand même un con. Ouais. Mais on revient à Salt Lake City, ça bouge très, très vite. Il y a une pression énorme sur la juge française, mais il y a une pression énorme sur la Fédération de patinage, sur le Comité international olympique, parce que les gens sont vraiment outrés, la presse s'en mêle, les commentateurs sont unanimes pour dire qu'est-ce qui s'est passé, ce qui fait qu'on très vite... dans les heures qui suivent la compétition, on déclenche une enquête et on va, au terme de cette enquête, on va décider d'accorder une deuxième médaille d'or ex aequo aux Canadiens. Jacques, c'est rocambolesque. Je vous parlais de la meute de journalistes. Marie-Reine Le Goung va se réfugier dans son hôtel. Elle va rencontrer une personnalité importante de la Fédération internationale. Elle va lui avouer dans un premier temps qu'elle a subi des pressions. Là, évidemment, nous, on veut en savoir plus. La pression sur... Il y a une lettre, hein, d'abord, où elle dit « Oui, oui, j'ai subi des pressions. » Il y a Ottavio Cinquenta qui n'a pas le choix, qui est le président de la Fédération internationale, qui n'a pas le choix d'accepter d'ouvrir cette enquête. Jacques Rogge, le président du Comité international olympique, est outré et fait pression sur la Fédération internationale parce qu'il est en train de ternir, il est en train de salir les Jeux olympiques. Il salit les anneaux. Et ça, là, c'est un crime. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, cette saga, donc carrément presque un procès où Marie-Reine Le Goung va avouer avoir subi des pressions de David Gayaguet, le président, pour effectivement voter pour le couple russe. Et on va attribuer un premier cas dans l'histoire, deux médailles d'or. Donc, pourquoi deux médailles d'or? On peut aisément se poser la question, Jacques. Je pense que Jacques Rogge a voulu être magnanime. Sans faire un jugement de Salomon, il a voulu être magnanime en disant... On n'enlèvera pas l'or aux Russes, mais on va... Mais parce que ça aurait été accepté quelque part que les deux patineurs étaient responsables. Alors, est-ce que les patineurs étaient véritablement responsables d'une décision qui venait des juges et politiques? Et je pense que c'est dans ce sens-là que Jacques Rogge, à l'époque, a tranché. Ouais. Elle va, cela dit, Marie-Reine Le Goung, se rétracter assez vite en disant « Non, non, j'ai voté en toute conscience. » Puis dans le livre qu'elle va publier l'année suivante, mais même dans les jours qui suivent, elle va dire, elle va jouer un peu à la victime en disant « Je me suis senti menacé, les gens me pourchassaient, les gens, les journalistes, mais les gens des fédérations aussi. » Au terme de toute cette affaire-là, puis on termine là-dessus, il y aura quand même des changements importants, Robert Frozzi. Qu'on a fait le... C'est quoi ces changements? Est-ce qu'on a réglé le problème? On a fait le ménage? Comme j'en discutais avec Alain Goldberg il n'y a pas longtemps, et il y a une chose qu'on peut dire, c'est mieux que c'était, mais c'est toujours ça. Ouais. Je vais vous expliquer. C'est que les tractations existent encore, mais le système, effectivement, a changé. On ne connaît plus les juges à l'avance. On va aussi, pour le calcul final, il se fait différemment. Ce n'est pas toutes les notes qui sont additionnées. Et en fait, on fait une moyenne ensuite. Non, c'est qu'on prend... on enlève systématiquement la note la plus haute, la plus basse, et l'ordinateur va choisir le vote d'un juge au hasard. Et va la retirer. Donc, vous voyez, on a réduit la possibilité de faire ces tractations nauséabondes, mais force est de constater qu'elles existent encore. Ouais. Robert Frozzi, journaliste sportif à la radio et à la télé de Radio-Canada, merci d'avoir revécu avec nous cette affaire Salé-Pelletier. Merci, Robert. Ça m'a rajeuni, merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Annie Richer et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.